Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais parler rapidement de la foi. Peut-être ça peut aider quelqu'un qui traverse en ce moment une situation un peu compliquée et qui a besoin d'être fortifié dans la foi. Vous savez, comme dans Hébreux au chapitre 1, la Bible dit clairement que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. On ne peut être agréable à Dieu que par la foi. Ce n'est que par la foi que l'homme peut être agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Est-ce que les enfants de Dieu qui prient, qui demandent des guérisons, le travail, le mariage, les enfants, la maison, la voiture, peu importe ce que tu demandes, est-ce que en faisant ces demandes, ces personnes ont la foi? Oui! Parce qu'ils font des demandes à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu physiquement. Ils ont la foi. Thomas a dit, lorsqu'on dit à Thomas, on a vu le Seigneur. Thomas a dit, oh, arrêtez de me raconter les histoires. Le Seigneur, vous l'avez vu. Moi, si je ne touche pas du doigt, si je ne vois pas de mes yeux, moi je ne peux pas croire. Un jour, alors qu'ils étaient dans la salle, Jésus apparaît, il dit à Thomas, Thomas, tu as dit que tu ne peux croire que si tu touches du doigt. Que si tu vois, approche, c'est moi Jésus. Et c'est là où Thomas dit, oh Seigneur, maître. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, heureux, heureux, ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Toi qui fais des demandes à Dieu, gloire à Dieu, tu fais des demandes à quelqu'un que tu n'as jamais vu physiquement. C'est la preuve que tu es une femme ou un homme de foi. Parce que tu fais des demandes à quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est que tu crois. C'est la preuve que tu as la foi. Donc si quelqu'un te dit que tu n'as pas la foi, tu as la foi. La personne la ment. Tu pries un Dieu que tu n'as jamais vu. Ça, c'est la preuve que tu as la foi. Ok, tu fais tes demandes à Dieu parce que c'est ton Père. Gloire à Dieu. Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui demande à mon Père alors qu'il ne l'a jamais vu. Heureux celui qui me demande alors qu'il ne m'a jamais vu. Heureux celui qui adore le Saint-Esprit alors qu'il ne l'a jamais vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu adores un Dieu que tu n'as jamais vu. Gloire à Dieu, c'est agréable à Dieu. Tu loues le Seigneur, tu ne l'as jamais vu. Gloire à Dieu, tu es agréable à Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc si tu demandes à Dieu des choses, c'est que tu crois qu'il existe, c'est la preuve que tu as la foi. Mais, ma soeur, mon frère, il ne faut pas s'arrêter là. Je vais lire dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, je vais lire à partir du verset 35. Hébreux 10. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Mon frère, ma soeur, il y aura des situations par rapport à tes demandes à Dieu où la persévérance doit entrer en action. Il y a des cas où, sans la persévérance, tu n'auras pas ce que tu veux. Il y a des cas où il te faut persévérer dans la foi, pas dans les murmures, pas dans les larmes, pas la persévérance parce que tu pleures, pas la persévérance parce que tu murmures, pas la persévérance dans le doute, la persévérance dans la foi. Il y a des situations où tu as besoin de persévérance. C'est Hébreux 10 qui le dit. Ce qui fait que c'est là où beaucoup de temps, ils demandent bien à Dieu, c'est la preuve qu'ils ont la foi, mais ils manquent de persévérance. Mais comment avoir la persévérance? La persévérance s'appuie sur la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit de la Bible. C'est sur ça que tu te bases pour être persévérant. Le Seigneur a dit, il est avec moi. Le Seigneur a dit, ce que je lui demanderai en priant, je dois croire que je l'ai reçu. Oh, même si ça prend des semaines. Seigneur, moi je crois en ta parole. Tu m'as dit, si je te demande avec foi, tu me l'as donné. Seigneur, je crois. Tu m'as dit, c'est écrit que si je te demande quelque chose qui est selon ta volonté, tu m'as déjà exaucé. Oui, même si les jours passent, Seigneur, moi je crois que tu m'as déjà exaucé parce que tu es fidèle à ta parole. La persévérance s'appuie sur la parole. La persévérance s'appuie sur la promesse de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine comme ça. Pour que, si tu veux être persévérant, parce qu'il faut que tu saches, il y a des demandes à Dieu où tu auras la chose que par la persévérance dans la foi. Et pour être persévérant dans la foi, il faut que tu t'appuies sur la parole. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu vas être persévérant en s'appuyant sur quoi? C'est normal que deux jours après, si tu ne vois pas ce que tu as demandé, le doute et le raisonnement, ça prend la place. Parce que tu ne t'appuies pas sur la parole. Tu ne t'appuies pas sur ce que la Bible dit par rapport à ta demande. Parce que c'est la parole qui sera dans ton cœur. C'est cette parole qui fera que, même si il y a des vents contraires, même si tu entends autre chose, même si le médecin te dit, toi là, on ne peut plus te guérir, même si le médecin te dit, tu ne peux plus faire d'enfant, même si la famille te dit, on t'a maudit, tu ne vas jamais te marier, quel que soit, même si tu es au chômage, quelle que soit la situation, tu t'appuies sur la parole. Père, c'est toi qui as dit, moi je m'accroche à ta parole parce que je sais que ta parole est la vérité et je sais que toi-même tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Les jours passent, le diable t'amène des pensées négatives. Les gens qui sont tout autour te disent, oh c'est impossible, tu sais le médecin t'a dit, oh tu sais dans votre famille les femmes ne vont pas en mariage, oh tu sais dans votre famille les garçons ne font rien, ils gagnent de l'argent, ils font rien avec. Ça c'est des paroles négatives que le diable t'envoie. Mais toi, tu vas t'appuyer sur la parole. C'est en s'appuyant sur la parole que tu pourras persévérer dans la foi. Parce que la foi vient de ce que tu entends de la parole de Dieu. Il n'y a pas de persévérance de la foi sans s'appuyer sur la parole. D'où l'importance de connaître la parole. Sinon, ta foi va vaciller. Ta foi ne pourra pas être ferme. Elle va vaciller. Il te faut la parole sur laquelle tu t'appuies. Dieu a dit, Satan, tu mens. Voici ce que la parole me dit. Je sais que le Seigneur, la volonté de Dieu est que je sois guéri. Il m'a dit que c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Je suis déjà guéri. Même si mon dos fait mal, je suis déjà guéri. Même si mon ventre fait mal, je suis déjà guéri. Même si mon corps fait mal, même je suis déjà guéri parce que je m'appuie sur sa parole. Je n'ai pas les preuves physiques. Jésus m'a dit, heureux celui qui croit, sans avoir vu. Je n'ai aucune preuve physique qui me dit, tu es guéri. Mais j'ai demandé à Dieu, sa volonté que je sois guéri. Je m'appuie sur sa parole. Que ça prenne 2, 3 jours, 5 jours, 1 mois, 1 an. Je m'appuie sur sa parole. Que dit la parole de Dieu? Demandez et vous le verrez s'accomplir. Croyez, quoi, que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Jésus dit, tu le verras. Tu le verras. Ça veut dire quoi? Ça peut ne pas être le même jour, demain, après-demain. Tu le verras. Le verra est au futur. Au futur. Tu le verras. Donc si tu restes ferme, tu le verras. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais c'est entre la demande et la manifestation de ce que tu as demandé, c'est là où beaucoup tombent. Parce qu'il manque de persévérance dans la foi. Mais il faut que tu saches que tu ne peux pas être persévérant dans la foi en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'il faut que tu t'appuies sur la parole pour qu'il y ait des vents contraires, que ce soit des paroles que les gens vont te dire, peu importe ce qu'on t'a dit, toi tu t'accroches à ce que la parole dit, et comme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, au final, tu as la victoire, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Quand Dieu voit un homme, une femme accrochée à sa parole, Dieu prend ses responsabilités. Dieu dit, ma fille est accrochée à ma parole. Si je n'agis pas, ma fille risque de croire que je suis quelqu'un qui ne tient pas parole. Mon fils est accroché sur ce que j'ai dit. Mon fils croit que ce que j'ai dit là, que je veux le faire, je ne peux pas décevoir mon fils. Dieu manifeste le miracle. Sa fille s'accroche. Les médecins lui ont dit, tu ne peux plus faire d'enfant. Dans ta famille, on lui a dit, les filles ne vont pas en mariage, mais ma fille s'accroche sur ma parole. Ma fille s'accroche à moi. Je ne veux pas décevoir ma fille. Je veux lui prouver que moi, je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 1, ce sont ces personnes qui ont la foi, qui sont agréables à Dieu. Dieu est fier de toi. Quand tu as la foi, Dieu est fier de toi. Quand tu pries un Dieu que tu n'as jamais vu, c'est que tu as la foi. Tu n'es pas Thomas. Moi, je ne peux prier Dieu que le jour où je le verrai. Le jour où je saurai vraiment qu'il est Dieu. Qu'il vienne se mettre devant moi et me dise, c'est moi Dieu. Là, je pourrais prier. Mais toi, tu pries alors que tu ne l'as jamais vu. C'est que tu as la foi. Mais il te manque la persévérance dans la foi. Je te dis que cette persévérance, tu ne peux la voir qu'en s'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui sera la seule chose qui va tenir ta foi ferme. Dieu a dit, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Puisqu'il a dit ça, moi je ne peux pas croire à ce que les hommes me disent. Moi je ne peux pas croire à ce que le médecin m'a dit. Je ne crois pas à ce que le grand-père, ma grand-mère a dit. Moi je crois à sa parole. Et pendant que Dieu te voit sur sa parole, Dieu va se manifester. Ça va prendre combien de jours? Je n'en sais rien. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'accroches sur la parole. Donc, si quand tu demandes, après le doute vient, parce que tu as vu 2-3 jours sans voir ce que tu as demandé, c'est parce que tu n'as pas une parole sur laquelle tu t'appuies. C'est pourquoi ta foi vacille. Tu as demandé, ça fait 1 semaine, le dos fait toujours mal. Et puis tu commences à douter. Et tu commences à être, pasteur, prie pour moi. Ce pasteur l'a pris. Tu vas encore voir le nom de Dieu. Oh, ma soeur, prie pour moi. Oh, frère, prie pour moi. Parce que ta foi vacille. Parce que quand ta foi s'appuie sur la parole, tu t'accroches. Que ça prenne 1 semaine, 1 mois, tu t'accroches. Là, tu es persévérant. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce que vous avez demandé. Il y a des cas où tu demandes tout de suite, ça se manifeste la même journée ou le lendemain. Il y a aussi des cas où ça viendra dans quelques jours, parfois quelques mois. Mais pendant ce temps, il ne faut pas que ta foi vacille. Il faut s'appuyer sur la parole. Pourquoi il faut lire dans la Bible? Ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que Jésus dit. La Bible dit aussi, nous avons auprès de Dieu l'assurance que si on lui demande quelque chose qui est selon sa volonté pour nous, il nous écoute et il nous exauce. La volonté de Dieu est que tu travailles. Si tu as demandé le travail, quoi qu'il t'a donné, Seigneur, merci, que ça prenne 2 jours. J'ai été passé un entretien, on ne m'a pas pris, c'est pas grave. Seigneur, moi je crois qu'il y a un endroit que tu as préparé pour moi. Tu t'accroches sur la parole. Ta foi ne va pas vaciller. Et quand Dieu te regarde, il voit que oh, ça fait 1 mois, mon fils est toujours accroché sur sa parole. Je vais prouver à mon fils que je suis le Dieu qui veille sur sa parole. Mais pourquoi Dieu a fait passer 1 mois? C'est pour élever ta foi, pour la fortifier, pour rendre ta foi solide. Pour la rendre solide, afin que les épreuves que tu auras demain, tu pourras tenir. Avant que David ne soit en face de Goliath, il avait d'abord été en face d'un ours, d'un lion. Parce qu'il dit, Dieu qui m'a délivré quand l'ours m'avait attaqué, Dieu qui m'a délivré le jour où le lion m'avait attaqué, il me délivrera de Goliath. Donc, il y a des situations où tu vas obtenir ce que tu as demandé, mais tu as besoin de persévérance dans la foi. Parce que quand tu verras ce que tu as demandé, ça va booster ta foi. Tu ne seras plus la même personne. Et quand Goliath, qui est une épreuve, va se manifester demain, tu ne vas même pas craindre Goliath. Parce que tu te souviendras de ce que Dieu avait fait dans ta vie. Et c'est ce qui fera que lorsque Goliath, cette épreuve, viendra demain, peu importe l'épreuve, tu vas l'affronter avec dans la foi, tu vas l'affronter avec assurance, parce que tu comptes sur ton Dieu, parce que tu te souviens de ce qu'il avait fait pour toi. Demain, ce qu'il avait fait pour toi, il y en a quelques jours ou quelques mois, quelques années, et tu as l'assurance. Dieu est le même, il ne m'abandonnera pas. Donc, il faut que vous ayez l'assurance, il faut que vous ayez la persévérance dans la foi. Des choses que tu as demandées, peut-être tu dois passer par la persévérance dans la foi. Ou lire la Bible, s'appuyer sur les promesses et croire que Dieu va le faire. Car Jésus a dit, ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, vous le verrez. Beaucoup ont la foi, mais n'ont pas la persévérance. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur la parole. Je te dis que lorsque tu étais à genoux là, tu as demandé à Dieu, Dieu t'a écouté, il t'a exaucé. Mais peut-être ça viendra dans 2 semaines. Mais entre aujourd'hui et les 2 semaines, tu as besoin de persévérer dans la foi. Et pour que cette persévérance soit efficace, il faut s'appuyer sur la parole. Parce que sans parole, le doute, les douleurs de ton corps, ce que tu entends, ce que tu vois, ça va faire vaciller ta foi. Alors que si ta foi est sur la parole, même si le corps fait mal, même s'il y a des douleurs, tu vas dire, non, mon corps, je ne t'écoute pas, Dieu m'a dit. Mais comme beaucoup manquent de persévérance, qu'est-ce qu'ils font? On téléphone 1000 personnes, prie pour moi, prie pour moi, prie. Non, tu as besoin de persévérance. Et tu vas remarquer que 10 000 personnes peuvent prier pour toi, ça ne change pas. Ta situation ne change pas. Tu as juste besoin de persévérance. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas d'appeler le monde entier, prie pour moi, prie pour moi. Ça ne changera pas. Dieu veut que tu persévères. Pourquoi? Parce que les épreuves que le diable amènera devant toi demain, tu pourras mieux les affronter. Parce que si tu demandes aujourd'hui, et aujourd'hui tu as ce que tu as demandé, ta foi ne peut pas être boostée. Mais c'est quand on traverse des situations difficiles et qu'au final, tu as la réponse de Dieu, quand d'autres situations se présenteront à toi demain, tu seras là avec assurance. Même si tout le monde tremble, toi tu auras l'assurance. Il y a un pasteur qui disait, il faisait un vol dans un vol Air France. Et l'avion passait dans un endroit où il y avait l'avion était sérieusement secoué, les trous d'air. Il dit, tout le monde paniquait, même les stewards, les hôtesses, tout le monde paniquait. Mais il était là tranquille, il regardait tout le monde paniquer. Lui, il avait l'assurance, il a prié et quelques temps après, les choses sont entrées dans l'ordre. Bien aimé, la foi c'est bien, mais la persévérance dans la foi, il faut lire ta Bible pour s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Jésus. C'est ça qui fera en sorte que, quel que soit le nombre de jours que ça prendra entre le jour où tu as demandé et le jour où ce que tu as demandé va se manifester, pendant ce temps-là, tu as besoin de persévérance dans la foi et cette persévérance ne peut avoir lieu que si tu t'appuies sur la parole. Que Dieu te bénisse.